Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter une conférence de Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, où il présente son ouvrage « L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique », un livre paru aux éditions du Seuil en 2012. Ce titre est assez ironique, puisque le propos de Jean-Baptiste Fressoz est de montrer que, contrairement à une idée reçue, les débuts de l'industrialisation ont suscité des controverses sanitaires et environnementales dues aux pollutions et nuisances provoquées par les usines chimiques et les innovations techniques, et que l'État et les entreprises, aidés des savants et des experts, ont fait en sorte que ces risques et nuisances deviennent acceptables pour les populations. Cette conférence va être diffusée en deux parties. Dans la première, Jean-Baptiste Fressoz nous présente un plaidoyer pour l'histoire des sciences et des techniques, puis expose les controverses autour du gaz d'éclairage à Paris. Au passage, il retrace les origines de la légende autour de la peur des premiers chemins de fer, et enfin raconte la fabrication de l'acceptation du risque avec les premiers pas de la vaccination au XIXe siècle. Dans la seconde partie, Jean-Baptiste Fressoz nous parlera des changements dans la gestion de la pollution sous l'effet du développement de l'industrie chimique et aussi de la création et du rôle des normes techniques de sécurité dans les installations industrielles au XIXe siècle, avec au passage quelques mots sur l'écologie industrielle. Enfin, en conclusion, il évoque le paradoxe qui caractérise, selon lui, notre société libérale et technologique. D'un côté, nous transformons radicalement la nature, quand de l'autre, nous proclamons l'impossibilité de modifier la société. Dans cette conférence, donnée à Montpellier en avril 2013, Jean-Baptiste Fressoz utilise quelques images projetées sur écran, mais comme il les décrit et les explique, cela n'est pas très gênant. Sur ce, eh bien, je cède tout de suite la parole à Jean-Baptiste Fressoz. Je vais commencer par un petit plaidoyer pour l'histoire et l'histoire des techniques en particulier. Quand on pense à l'histoire des techniques, on imagine très vite des ouvrages assez poussiéreux sur les progrès de la civilisation, l'histoire de l'humanité, de la conquête du feu, la conquête de l'espace. Et en guise de préambule, je voudrais vous montrer que l'histoire des techniques est, à mon avis, un des sous-champs des sciences humaines, peut-être les plus importants pour penser la crise environnementale contemporaine. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est cette courbe, la courbe des émissions de CO2 au XXe siècle. Une courbe que vous avez sans doute vue, que tout le monde a en tête, qui montre cette croissance exponentielle des émissions à partir des années 1950. Alors, si tout le monde a en tête cette courbe, ce qui me semble plus surprenant, c'est qu'en fait, on n'en a pas d'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une histoire suffisamment précise des émissions de CO2 qui nous permettrait, par exemple, de distinguer entre les responsabilités de différents choix technologiques. Par exemple, quelle est la part des militaires là-dedans? Quel est le rôle, par exemple, de la Navy britannique quand elle choisit de passer au charbon puis au pétrole au début du XXe siècle? On n'a pas d'histoire suffisamment précise qui nous permettrait, par exemple, de distinguer l'impact, je ne sais pas moi, des engrais artificiels versus l'impact de la route. Donc, ce qui me semble problématique, c'est que, faute de connaissances précises, les récits spontanés de la crise environnementale se perdent dans des critiques sans focale. On incrimine le capitalisme en général pour la crise environnementale, ou bien encore pire, la modernité. Alors c'est en fait ce manque patent d'histoire, moi j'essaye un petit peu de corriger. Alors quand je dis que les récits sont indiscriminants, par exemple les historiens frappés par l'ampleur de la crise environnementale, par son enjeu eschatologique, les philosophes et les historiens en ont fait les récits les plus grandioses possibles. À quelque chose d'aussi important, d'aussi grave, il fallait forcément des causes les plus majestueuses possibles. Et donc le type de récit qu'on a actuellement, c'est que la crise environnementale, ça vient par exemple de la science grecque, qui se met à concevoir la nature comme soumise à des lois extérieures aux intentions humaines ou extérieures à la divinité. Le christianisme ensuite, qui invente la singularité de l'homme au sein de la création. Tout le monde a lu le texte de la Genèse, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécifique dans le christianisme qui est sans doute la religion la plus anthropocentrée qui ait jamais existé. ou bien encore la révolution scientifique qui substituerait à une vision organiciste de la nature, une vision où la nature est quelque chose de vivant, une vision mécanique où la matière est devenue inerte et soumise simplement à des lois mécaniques, une mécanique inerte qu'il faudrait dominer. Alors, le problème de ces grands récits, de ces récits extrêmement amples, si vous voulez, de la crise environnementale, c'est qu'ils manquent de spécificité. En prétendant dévoiler les sources profondes du mal, ces récits sont à la fois intellectuellement fascinants et politiquement inoffensifs. Remettant tout en cause, ils ne s'attaquent à rien. Les catégories anthropologiques, sortir de la modernité, par exemple, c'est cette injonction qu'on retrouve souvent, sortir de cette logique moderne, ça demeure en dehors de toute prise politique. Et le problème aussi, c'est que ces grands récits occultent des formes de production, des formes de pouvoir, des formes de pensée qui nous ont fait véritablement prendre le chemin de l'abîme, qui nous ont vraiment fait entrer dans cette logique de la crise environnementale. Et donc, ce que je voudrais expliquer en introduction, c'est que l'histoire et l'histoire des techniques peut avoir un rôle justement dans ce contexte-là pour donner une histoire précise de cette crise environnementale. Comment on a réussi à se mettre dans ce bourbier dans lequel on vit actuellement? Alors, l'histoire est d'autant plus importante qu'à mon avis, elle peut nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus, disons, libre, nous a donné une vision libératrice par rapport aux techniques. Le regard historique possède une fonction libératrice essentielle dans notre rapport aux techniques. Pourquoi ? Parce que quand on se plonge dans les controverses historiques autour des techniques, quand on prend une controverse autour des techniques d'un point de vue historique, on voit que l'histoire est forcément très complexe, non déterminée, qu'à chaque moment de l'histoire des techniques, il y avait tout plein d'autres possibilités non advenues. Il y avait des bifurcations possibles, des chemins qui n'ont pas été pris, et que l'histoire aurait pu se dérouler tout autrement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est le cas du gaz d'éclairage. Une technologie qui peut paraître un peu absurde, qui apparaît en France dans les années 1820, qui consiste à prendre du charbon, distiller le charbon en le chauffant très fort avec du charbon, pour produire un gaz qu'on va stocker dans un énorme récipient qui s'appelle un gazomètre. Et ce gaz, ensuite, on va le distribuer à travers toute la ville, à travers un réseau de conduites pour l'amener chez les habitants. Vous voyez que c'est une technologie extraordinairement inefficace, peu efficiente en termes énergétiques. C'est une technologie extrêmement dangereuse, j'y reviendrai. Et puis, quand je dis que c'est inefficace, par exemple, il y avait 30% de fuites de gaz dans les conduites à Paris au début du 19e siècle. Donc, en fait, le tiers du gaz qu'on produisait s'évaporait dans l'atmosphère sans même pouvoir être utilisé. Et quand on se plonge dans l'histoire, on voit qu'en fait, cette technologie qui s'est imposée, finalement, elle a été extrêmement controversée au début du 19e siècle, avec de bons arguments. Par exemple, il y a des chimistes qui disaient attendez, ce que vous faites avec la technologie du gaz d'éclairage, c'est complètement absurde. Vous prenez une lampe à huile, ça fait exactement la même chose, ça distille un combustible, ça produit un gaz éclairant, sauf qu'une lampe à huile, ça ne demande pas beaucoup de capitaux, c'est léger, c'est portatif, alors que le gaz d'éclairage est quelque chose de coûteux, très lourd en investissement. Et puis, surtout, ça a le mérite d'être renouvelable, parce que l'enjeu d'entrée, dès le début, c'était la question des ressources en charbon. Est-ce que la France pouvait se permettre d'utiliser le peu de charbon qu'elle avait pour produire de la lumière, plutôt que produire de l'acier beaucoup plus utile pour la défense nationale, par exemple. Donc, ce qui me semble frappant, c'est qu'on aurait très bien pu imaginer une histoire où le gaz d'éclairage n'aurait jamais existé. Enfin, je veux dire, c'était un mauvais choix technologique, une erreur, si vous voulez. Et je crois que l'histoire des techniques a le mérite de nous montrer qu'en fait, ma foi, vivre dans une société inventive, ça veut dire aussi refuser la technique, refuser tout un ensemble de techniques. On peut passer outre, on peut se passer de tout un tas de techniques. Et on a aussi des exemples de technologies qui ont été abandonnées pour de bonnes raisons très vite. Par exemple, après l'inoculation de la petite vérole dont je vais parler, il y a des médecins qui proposent d'inoculer la peste. Bon, vous voyez, autant faire des quarantaines, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sûr que imaginer s'immuniser contre la peste en se l'inoculant. Et pourtant, c'était présenté par ces médecins-là comme une très grande invention, quelque chose qui allait vraiment transformer la médecine. Un autre exemple, les moteurs à éther. Dans les années 1840, il y a des ingénieurs qui disent plutôt que mettre de l'eau dans les chaudières à vapeur, on va mettre de l'éther, parce que l'éther se vaporise à une température beaucoup plus faible, donc ça permettait d'avoir des rendements beaucoup plus élevés. Et c'était présenté, pareil, comme une innovation extraordinaire, ça allait faire économiser 50% du charbon, donc c'était extrêmement économique. Il faut attendre 1854 pour que le France, le plus gros bateau à éther jamais construit, explose au large de Marseille avec 4 tonnes d'éther et plusieurs tonnes de charbon, on n'entendra plus jamais parler des machines à éther. Donc vous voyez, il me semble qu'à travers l'histoire, on voit que beaucoup de technologies ont été délaissées, et c'est bien mieux comme ça. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus serein finalement vis-à-vis du diktat technologique à propos des OGM, du nucléaire ou des nanotech. Ce diktat d'un seul coup paraît beaucoup moins impérieux. Il ne faut pas se stresser, ce n'est pas très grave si on ne suit pas d'un seul coup les États-Unis dans le développement des OGM par exemple. Historiquement, la plupart des technologies ne sont pas développées et c'est très bien comme ça. Alors, je vais vous raconter une dernière petite anecdote, si vous voulez, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui montre l'importance de l'histoire des techniques pour comprendre le moment présent. Tout le monde connaît ou croit connaître l'histoire de nos ancêtres qui auraient eu peur du train, des premiers trains au début du chemin de fer. Et cette anecdote ne manque jamais d'être apportée afin de discréditer les peurs irrationnelles que suscitent maintenant les innovations. Alors, par exemple, en 2004, en pleine controverse OGM, le PDG d'une start-up de biotech, d'OGM, expliquait dans les colonnes du Monde que les innombrables, je cite, « les innombrables articles écrits pour faire peur à l'opinion publique pourraient alimenter un bêtisier du même niveau que ce qu'on a pu écrire au moment de l'apparition du chemin de fer ». Juste auparavant, un philosophe qui s'appelle Dominique Lecourt, un philosophe des sciences, dénonçait les biocatastrophistes, les opposants OGM de cette sorte. En 1835, les membres de l'Académie de médecine de Lyon demandèrent solennellement « ne risquons-nous pas des atteintes à la rétine et des troubles de la respiration à grande vitesse? Les femmes enceintes, ballottées, ne vont-elles pas faire de fausses couches ?» Alors, le problème, c'est qu'on ne trouve absolument aucune trace d'un rapport sur les chemins de fer, et encore moins d'un rapport fait par l'Académie de médecine de Lyon, puisque cette institution n'existe pas. Donc cette histoire de nos ancêtres qui auraient eu peur des chemins de fer est un mythe complet. C'est une invention qui remonte à 1863, quand Louis Figuier, qui est le grand vulgarisateur à propos des technologies du XIXe siècle, construit un petit bêtisier médical contre les chemins de fer, en copiant, en collant tout plein de sources, en les transformant, en les défigurant. Ce qui est impressionnant, c'est la postérité de cette invention, en particulier en Allemagne. En 1889, l'historien prussien Heinrich von Treitschke, un grand historien très, très connu, s'en sert pour se moquer des Bavarois et pour vanter disons, le ferment modernisateur prussien en disant « un rapport du Collège médical de Bavière conseillait d'interdire les chemins de fer car leur vitesse faramineuse pourrait causer, je cite, un delirium furiosum », comme si dans les années 1830 on écrivait en latin encore. Enfin, bon. On retrouve cette histoire dans Mein Kampf d'Hitler, où Hitler s'en sert pour ridiculiser les experts. Puis, ensuite, cette invention passe dans la culture commune, même dans les manuels d'histoire, l'histoire du secondaire et du supérieur. Et à chaque fois, elle est mentionnée pour se référer aux résistances contre le progrès. Alors, je voudrais faire deux remarques à propos de cette anecdote et de ce mythe. Bon. Premièrement, une remarque historique. Dans les années 1860, quand se cristallise la rumeur d'une peur irrationnelle contre les chemins de fer, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plaintes et de procès contre les chemins de fer, mais ce n'était pas parce qu'ils rendaient fous ou bien qu'ils causaient des fausses couches, c'est tout simplement parce qu'il y avait énormément d'accidents et que les passagers soupçonnaient les compagnies de vouloir faire des économies au détriment de leur sécurité. Et je vous ferai remarquer que la sécurité actuelle des systèmes ferroviaires est l'héritière de ces plaintes, de ces contestations, de ces procès. Si les gens n'avaient pas poursuivi au pénal, et en correctionnel et au civil contre les compagnies de chemin de fer, les compagnies de chemin de fer n'auraient pas fait d'efforts pour développer des systèmes de freins plus efficaces, etc. Deuxième remarque, évidemment, cette anecdote est au cœur d'un argument technophile, si vous voulez, d'un argument pour l'innovation, qui fonctionne comme une sorte de récurrence technophile. Tout comme les craintes de nos ancêtres nous paraissent ridicules, nos craintes actuelles paraîtront ridicules à nos descendants. Et il me semble que l'histoire est importante pour casser justement cette récurrence technophile, voir un petit peu ce que les opposants avaient à dire finalement au XIXe siècle, par exemple, voir s'ils étaient si irrationnels qu'on veut bien nous faire croire. Alors, après ce préambule déjà trop long, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir, je vais vous parler de mon livre, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. En quelque sorte, le point de départ de ce livre, c'était un autre mythe que j'ai voulu critiquer. Et ce mythe, c'est celui de la thèse de la société du risque, ou de la thèse de la postmodernité, que je vais vous expliquer maintenant. En 1986, donc un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck a publié un livre qui a eu un énorme succès à propos du risque technologique. Ulrich Beck a eu la chance, c'est vraiment pas le mot qu'il faudrait employer, mais disons la conjonction, c'est évidemment l'accident de Tchernobyl. Et ce livre a influencé énormément d'auteurs dans le monde entier, de philosophes, de sociologues qui ont réfléchi sur la question du risque technologique et de la crise environnementale. La thèse de Beck est que, à partir des années 70, il n'est pas très clair dans sa chronologie, la société a radicalement changé. Ce qu'on a vécu dans les 70, selon lui, serait un changement de civilisation à peu près de même ampleur que le passage du féodalisme au capitalisme. Et ce changement est lié à un changement dans la nature des risques. Et sa thèse est fondée sur un récit assez binaire qui oppose un passé et un présent. Dans le passé, les risques étaient naturels, les risques étaient locaux, et maintenant, les risques sont artificiels, c'est des risques technologiques, des risques produits par l'industrialisation, et les risques sont devenus globaux. D'autre part, les risques étaient calculables et assurables, ça veut dire qu'on pouvait donc calculer une probabilité puis une incidence, et on pouvait les assurer à partir de techniques assurantielles classiques. Et maintenant, les risques sont devenus des incertitudes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus leur attribuer une probabilité d'incidence et calculer leurs conséquences. Et évidemment, les assurances, la théorie des probabilités des assurances, ont du mal à gérer des risques quand c'est zéro fois l'infini. Par exemple, vous voyez une centrale nucléaire, ça ne veut pas dire grand-chose d'assurer une centrale nucléaire, parce que la probabilité qu'un accident arrive est sans doute très faible, mais si ça arrive, aucun assureur ne peut vraiment supporter le coût des indemnités à donner. Et on serait passé finalement, si vous voulez, d'une certaine inconscience environnementale, d'un progrès qui s'imposerait naturellement, qui serait voulu, désiré par la population, par les sociétés, à une société beaucoup plus inquiète, beaucoup plus précautionneuse, et disons, prenant en compte la question de l'écologie scientifique. Et pour résumer en quelque sorte la thèse de Beck, enfin c'est Beck qui le dit, on passerait en fait d'une société où le conflit central de la société porte sur la répartition de la production, donc la lutte des classes si vous voulez, à une société où le conflit central porte maintenant sur la répartition des risques produits par la production. D'accord ? Donc c'est un peu disons, cette grande opposition qui fonde la thèse de la société du risque. Alors ce que je voudrais faire dans la première partie de mon exposé, c'est vous donner des exemples vous montrant qu'on peut tout à fait historiciser cette thèse de la société du risque. On peut tout à fait imaginer des technologies et des risques au XVIIIe et au XIXe siècle qui correspondent, si vous voulez, à la colonne de droite de ce tableau. Alors je vais aller du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est par exemple le cas du gaz d'éclairage dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'était un gazomètre qui était construit dans Paris, non loin du centre de Paris, qui était dans le 10e arrondissement actuel. C'était le plus grand gazomètre du monde à l'époque, 10 fois plus gros que tous les gazomètres existants, qui étaient londoniens. Donc c'était le premier gazomètre à Paris, il était déjà 10 fois plus gros que les gazomètres de Londres. Et pour les opposants à cet objet absolument monstrueux, si un gazomètre faisait explosion, alors c'est tout Paris qui serait rasé, détruite. Alors évidemment, il y avait une part d'emphase et d'exagération, mais dans tous les cas, c'est vrai que le gazomètre faisait peser un risque majeur à tout un quartier. D'autre part, les opposants, ça c'est assez intéressant, mettaient en avant quelque chose qui ressemble fortement à notre principe de précaution actuel. Ils disaient au gouvernement, peut-être que les savants vous ont dit que la probabilité d'une explosion est très faible, mais si ça arrive, on ne sait pas ce que ça peut faire, et vous, gouvernement, est-ce que vous pouvez prendre cette responsabilité à votre charge ? Cet objet a produit une très grande controverse, une grande controverse publique, donc ça veut dire que les controverses autour des technologies ne datent pas d'aujourd'hui. Dans les années 1920, pour discuter du gaz d'éclairage, il y a eu un opéra, plusieurs pièces de théâtre, des dizaines de pamphlets, des dizaines d'articles dans la presse, donc c'est une controverse publique qui a intéressé les Parisiens. Et c'est une controverse qui est très riche dans le sens où elle interrogeait le gaz dans toutes ses dimensions. Donc évidemment, le risque d'explosion était très présent, mais aussi l'effet du gaz sur la salubrité de l'atmosphère parisienne, parce qu'on assimilait le gaz d'éclairage au gaz des marais, et donc aux fièvres qui entourent les marais. On interrogeait aussi la question des ressources, j'en ai déjà parlé, le problème de l'épuisement du charbon dès les années 1820. Et puis aussi les conséquences du gaz d'éclairage sur la sécurité, dans le sens ordre. Là, je vous montre une image d'un traité sur le gaz anglais. L'argument qu'essaye de faire l'auteur, là, c'est de dire que si des rebelles, des révolutionnaires, prennent possession d'un gazomètre, d'une usine d'un gaz, et mettons la face explosée, Londres ne serait pas plongée d'un seul coup dans le noir parce que le gaz d'éclairage fonctionne sur un système de réseau. Vous voyez que ce qu'il veut montrer, c'est que si on coupe une conduite ou si on détruit un point d'intersection, il y aura toujours une autre conduite qui permettra d'acheminer le gaz. Donc il y avait déjà cette crainte, disons, d'un risque à la fois technique et politique. Et c'est vrai que, par exemple, dans le Paris des années 1820, il y a eu une dizaine de complots contre le roi. Le risque, disons, du gaz d'éclairage paraissait tout à fait important parce qu'on pouvait d'un seul coup plonger la capitale dans le noir. C'était ça l'enjeu. Alors, mon premier exemple, le gaz d'éclairage. Maintenant, je vais passer à des choses un peu plus compliquées. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner concerne la question de l'épuisement des sols. Le 19e siècle est marqué par des inquiétudes très fortes quant à la rupture métabolique entre la ville et la campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que du fait de l'agglomération d'humains en ville, les excréments ne retournaient pas à la campagne. Et avant les engrais artificiels, le fait de ne pas pouvoir fertiliser les terres avec l'engrais humain, ça paraît être un problème, enfin c'était un problème absolument majeur. Parce que ça veut dire qu'on arriverait à une baisse tendancielle, inévitable de la fertilité des sols et donc à des manques alimentaires, des famines. Tous les grands penseurs matérialistes, de Liebig à Marx, ainsi que les agronomes, les hygiénistes, les chimistes, mettaient en garde à la fois contre l'épuisement des sols et la pollution urbaine. Parce que tous ces excréments, qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où on a des égouts? On les envoie dans les rivières, bien entendu. Et donc, on produit une pollution urbaine qu'on pouvait accuser, effectivement, d'accroître la mortalité en ville au XIXe siècle. Donc, autre exemple, si vous voulez, de risque majeur environnemental, aussi grave et important, si vous voulez, quasiment que le changement climatique actuel, c'est l'épuisement inévitable de la fertilité des sols lié à la concentration urbaine, lié à ces grands domaines agricoles vides d'hommes de l'agriculture capitaliste du XIXe siècle. Troisième exemple, un peu plus surprenant, c'est la question du changement climatique. On n'a pas du tout attendu les années 80 pour s'inquiéter du changement climatique, même si le changement climatique dont je vais vous parler n'est pas le même que le changement climatique actuel. À l'époque, l'enjeu, c'était plutôt le cycle de l'eau et pas celui du carbone. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la déforestation a toujours été pensée en termes climatiques à partir des années 1770. La théorie repose sur le fait que les arbres jouent un grand rôle dans le cycle de l'eau. Et après la Révolution française en particulier, qui aurait causé une déforestation importante, à chaque accident météorologique, sécheresse, inondation, on accuse les révolutionnaires de l'an 2 de s'être rués sur les forêts et de les avoir coupées, détruites. Et c'est-à-dire que le changement climatique devient politique en France après la Révolution française. En Angleterre, c'est un autre enjeu qui est pensé dans cette catégorie climatique, c'est l'enjeu des enclosures, c'est-à-dire de la division des grands domaines en petites propriétés qui sont souvent ensuite attribuées à l'élevage. Les enclosures, parce que ça nécessitait d'enclore et donc de planter des haies, aurait augmenté l'humidité dans l'atmosphère et aurait rendu le climat encore plus désagréable, humide et pluvieux qu'il ne l'était. Je voudrais faire plusieurs remarques à propos de ce débat sur le changement climatique au XIXe siècle. Premièrement, il s'agit bien d'un changement global. Donc ça, c'est un point important. Le climat en jeu n'est pas simplement le petit climat local, mais c'est bien le climat du globe en entier. Je vais vous donner un exemple. En 1817, il y a un volcan qui explose, le Tambora, c'est un volcan qui se trouve en Indonésie, et ça produit toute une série de mauvais hivers en Europe. Et l'explication à l'époque, c'est la déforestation. C'est-à-dire qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a un mouvement très fort de déforestation en Amérique du Nord. Par exemple, pour Joseph Banks, qui est le secrétaire de la Royal Society, donc l'Académie des sciences anglaises, si vous voulez, une institution très prestigieuse, l'explication de ce phénomène, c'est la déforestation aux États-Unis. En coupant les arbres, on a rompu le cycle de l'eau. L'eau s'accumule dans l'atmosphère, s'accumule ensuite au pôle en particulier, tombe sous forme de neige, les calottes glaciaires s'accroissent et refroidissent le climat en Europe. Donc vous voyez, on a déjà la vision d'un climat global avec un impact de l'homme sur ce climat global. Deuxième remarque, le changement climatique dont il est question est déjà un changement irréversible. Là, je voudrais pointer le fait que dans les années 1820-1830, il y a un très fort discours que je qualifierais d'orientalisme climatique, un discours qui montre par exemple les ruines de Babylone ou bien les ruines de Palmyre, des ruines de civilisations très brillantes qui se trouvent maintenant dans des déserts, et l'explication c'était la mauvaise gestion de leur environnement. C'est à cause de la déforestation que ces civilisations sont tombées. Et évidemment, ça sert de mise en garde pour les gouvernements européens. Il faut que vous mettiez en place des administrations forestières fortes, des politiques de conservation forestière, sinon l'Europe aura le même sort que l'Asie. Et enfin, troisième remarque, le débat sur le changement climatique au XIXe siècle, ce n'est pas un débat marginal, ce n'est pas un débat du Luberlu, c'est un débat qui occupe les espaces scientifiques centraux de l'époque, l'Académie des sciences, par exemple, en France, la Royal Society en Angleterre. En 1821, le ministre de l'Intérieur français ordonne une très grande enquête sur le changement climatique et toutes les sociétés locales renvoient des rapports sur le changement climatique de leur département qui sont ensuite étudiés par l'Académie des sciences. Voilà, donc ça, c'est encore un exemple si vous voulez, qui montre à quel point le récit qui consisterait à dire qu'on s'intéresse et qu'on se préoccupe de l'environnement que depuis quelques décennies est un récit complètement trompeur. La question du changement climatique était d'autant plus grave que, suivant les théories de l'époque, changer le climat, ça voulait dire changer l'homme. On se situe, si vous voulez, dans un paradigme lamarckien, donc de Lamarck, transformiste, où le climat modifie les constitutions humaines, façonne l'homme. Par exemple, l'explication classique pour comprendre pourquoi la civilisation romaine a dégénéré, pourquoi les Romains ont dégénéré, pourquoi les Romains dans les années 1710 ne sont pas les mêmes que les Romains de l'Antiquité qui dominaient l'Europe. L'explication de l'abbé Dubot, qui est un philosophe important à l'époque, c'est de dire les Romains ont mal géré leur environnement, en particulier après les conquêtes barbares, après les invasions barbares, le système du cloaque, de l'égout de Rome, a été mal entretenu, ça a produit des émanations dangereuses, néfastes dans Rome, qui ont produit la dégénérescence des Romains. La médecine, je reviendrai là-dessus au cours de l'exposé, mais la médecine au XVIIIe et au XIXe siècle est une médecine qu'on qualifie de néo-hippocratique, du médecin grec Hippocrate. Hippocrate qui a écrit un livre qui s'appelle « Des eaux, des airs et des lieux ». C'est une médecine environnementaliste, environnementale, qui s'intéresse aux conséquences de l'environnement sur les santé et même sur les constitutions humaines, sur la forme des corps. Ce qui veut dire que, par exemple, la question des ce qu'on appellerait maintenant les maladies professionnelles, à l'époque, c'était pas conceptualisé comme ça, les maladies des artisans, c'était compris comme les conséquences, si vous voulez, de ces petits climats artificiels, des ateliers produits par les matières que les artisans utilisent et émettent. Et les petits climats artificiels, ces microclimats artisanaux, transformaient profondément, altéraient le corps des artisans. Et donc, ça faisait sens, par exemple, au milieu du 19e siècle, d'étudier la transformation des corps des artisans en fonction de leur métier. Ça, c'est une planche qui est tirée d'un article de 1860. De manière assez intéressante, c'est un article en fait, de médecine légale. L'idée, c'est qu'on a un corps, on ne sait pas comment l'identifier. Et bien, un indice, c'est d'étudier son corps, de voir les stigmates du travail. Donc la main, effectivement, est forcément la plus représentative, pour permettre de commencer à identifier le corps en disant, vous voyez, c'est vraisemblablement telle profession. Mais en tout cas, cette idée d'un corps, disons, comme une patte flexible, comme quelque chose de fragile, était quelque chose d'extrêmement présent dans la médecine au XVIIIe et XIXe siècle. Alors, pour conclure sur l'introduction, je voudrais faire référence à un philosophe qui a complètement disparu de nos mémoires, mais qui est assez intéressant, qui s'appelle Eugène Huszár, qui est intéressant parce que c'est sans doute le premier philosophe catastrophiste de l'histoire. C'est le premier à proposer, disons, une philosophie catastrophiste de la technologie, plus précisément. Eugène Huszár, c'est un avocat, inventeur à 16 heures, qui a publié deux livres, donc « La fin du monde par la science » et « L'arbre de la science », qui ont rencontré un très grand succès à l'époque et qui sont ensuite tombés dans l'oubli. Eugène Huszár a une imagination catastrophiste remarquable. Il aurait fait un très bon scénariste à Hollywood. Par exemple, il dit, est-ce que c'est bien raisonnable de creuser des canaux interocéaniques, penser au canal de Suez, puis au canal de Panama plus tard, sachant qu'on ne sait pas très bien le niveau des océans. On pourrait très bien imaginer que ces canaux créeraient des mouvements de masse océanique absolument dramatiques qui vont causer des inondations dramatiques. Il imagine aussi qu'à force de creuser le charbon dans certains endroits de l'Europe, l'Angleterre en particulier, à force d'extraire du charbon d'Angleterre, est-ce qu'on risque pas de déplacer l'axe de rotation de la Terre? Alors, parmi ces hypothèses un peu fantaisistes, on trouve quand même de belles anticipations. Et Eugène Huszár nous dit qu'à force d'émettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère à travers la combustion de charbon, et en même temps de couper des forêts, est-ce qu'on risque pas de changer la composition de l'atmosphère et produire un dérèglement du climat? Alors, Eugène Huszár, il ne faut surtout pas le voir comme une sorte de prophète, comme un grand génie solitaire oublié, ce ne serait pas très intéressant de le considérer comme ça. Eugène Huszár, il est intéressant en tant que symptôme, parce que ce qu'il fait en fait, c'est qu'il récupère, il pioche tous les débats sur les technologies, tous les débats environnementaux de l'époque, des années 1850, et il en produit une belle synthèse assez impressionnante, qui lui permet d'objectiver le progrès de manière différente de ses contemporains. Et donc, il me semble que Eugène Huszár, il est intéressant parce qu'il montre de manière parfaitement claire qu'il n'y a pas eu d'inconscience progressiste au XIXe siècle. C'est-à-dire que les hommes qui ont fait la révolution industrielle, qui ont vécu la révolution industrielle, avaient parfaitement conscience des risques gigantesques, des incertitudes qu'ils prenaient, et ils ont décidé de passer outre sciemment, consciemment. Du point de vue de l'écriture de l'histoire, ça veut dire aussi que l'histoire du risque, l'histoire de l'environnement, ne doit pas être l'histoire d'une prise de conscience, et c'est ce genre d'histoire qu'on a raconté jusqu'à présent, mais bien au contraire l'histoire de la production d'une certaine inconscience modernisatrice. Donc vous voyez que c'est une manière de réfléchir autrement à la question, si vous voulez, de cette société du risque. C'était de dire, finalement, on a toujours été réflexif. On a été réflexif au XIXe siècle, tout comme on l'est maintenant, mais ça ne nous a pas servi à grand-chose, en quelque sorte. Ça n'a pas changé grand-chose. D'où la notion que je propose dans l'Apocalypse joyeuse, pour repenser ces questions, c'est la notion de désinhibition moderne. Ce que j'entends par ce mot qui n'est pas très joli, de désinhibition, c'est tous les dispositifs, toutes les stratégies, tous les discours, tous les petits dispositifs qui ont rendu possible, acceptable et même désirable la modernisation technologique, la transformation technique des corps, des environnements, qui ont en quelque sorte réussi à passer outre les dangers, la conscience qu'on avait des dangers et les dangers avérés. Ce que je veux dire, c'est que les modernisateurs ont réussi par tout un ensemble de micro-dispositifs, de normes, de savoirs, à passer outre les dangers et à imposer un mode de vie technologique. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est vraiment précisément cela, c'est le passer outre moderne au XIXe siècle, la manière de continuer après les catastrophes. Comment on a réussi à continuer à se moderniser malgré l'évidence des dangers. Alors, l'insistance sur le mot « petit », ça fait plusieurs fois que je l'ai employé, des petits dispositifs, entend signaler que la modernité n'est pas ce grand mouvement spirituel que je vous ai décrit au départ, que mentionnent les philosophes. Donc, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas la révolution scientifique. Ça, c'est des, vous voyez, les usual suspects trop faciles et trop classiques. Ce qui a été majeur et crucial, ce sont des petits coups de force assez invisibles qui ont réussi à imposer les technologies. Alors, pour rentrer maintenant pour le coup vraiment dans le vif du sujet, ces coups de force, je dirais que j'en ai étudié quatre principalement dans ce livre. Alors je vais les lister d'abord. L'invention du risque, c'est-à-dire l'idée de penser les questions de vie et de mort en termes de probabilité. C'est absolument pas évident qu'il soit éthique, de bonne politique, d'appliquer la théorie des probabilités à des choix impliquant vie et mort. Donc ça, c'est première désinhibition, si vous voulez. Ensuite, l'expertise. L'expertise scientifique a joué un grand rôle pour convaincre les individus de choisir les technologies. Troisièmement, je mentionnerai la question de la libéralisation de l'environnement et enfin la norme de sécurité. Donc, j'espère que j'aurai le temps de vous raconter tout ça. Donc, premièrement, le risque. La notion de risque, c'est-à-dire vraiment, là je la définis de manière assez stricte, comme l'application de la théorie des probabilités à la gestion de la vie. La notion de risque, maintenant, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on utilise tous les jours. Pour penser à la question de la vaccination, est-ce qu'on se fait vacciner ? C'est une comparaison entre deux risques, le risque du vaccin versus le risque d'attraper, mettons, la grippe H1N1. C'est, disons, le mode le plus classique de gestion du corps, de gestion de la santé de nos jours. Ce mode-là de gestion des corps émerge à propos d'une maladie bien spécifique, qui est la petite vérole, donc maladie pustuleuse. Et dans les années 1720 apparaît une proposition médicale qui est de s'injecter la petite vérole quand on est en bonne santé pour s'en immuniser, pour ensuite résister quand l'épidémie est plus dangereuse ou quand on est plus affaibli. Et c'est à propos de cette innovation très spécifique que le risque est appliqué à la question de la gestion de la vie et de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que le risque, qui est disons, le symbole de la rationalité maintenant, émerge dans les années 1720 beaucoup plus dans un cadre théologique. Ce sont des pasteurs protestants en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre, à Boston en particulier, qui se mettent à calculer les risques, à calculer les chances de survie si on se fait inoculer, et les chances de survie si on attend la petite vérole de manière naturelle, sans rien faire. Et leur but, c'est de montrer que Dieu n'est pas contre l'inoculation. Leur but, c'est, en étudiant les régularités de la nature, de découvrir l'ordre divin, si vous voulez, et de dire finalement aux fidèles, aux chrétiens, il n'y a pas de raison théologique pour refuser l'inoculation. L'inoculation est morale. En France, le risque s'inscrit beaucoup plus dans un autre mode de pensée, qui est celui de l'utilitarisme. Le but des gens qui calculent le risque de l'inoculation dans les années 1750, c'est d'essayer de gouverner les individus. C'est de dire, finalement, une manière de gouverner les individus, c'est qu'ils calculent. Et de fournir à ces individus calculateurs le cadre numérique de leur action, de leur fournir des statistiques pour qu'ils s'orientent vers la technologie. Le but pour les gens qui calculent le risque aussi, c'est de contourner la faculté de médecine, qui était plutôt contre l'inoculation, enfin c'est assez compliqué, mais les gens qui calculent le risque sont des géomètres, en particulier Charles-Marie de la Condamine, qui explique qu'une fois le risque calculé, l'inoculation c'est simplement un problème de mathématiques. Un petit problème d'arithmétique, c'est plus du tout un problème médical, c'est plus du tout un problème éthique, c'est plus du tout un problème théologique, c'est un simple problème d'arithmétique. Alors, le problème, c'est que le risque n'a quasiment convaincu personne en France. L'inoculation a été un échec complet. On compte les inoculés après 10 ans de propagande, se compte par centaines au maximum. Donc, c'est vraiment un échec complet, à part dans un cas précis qui est celui des maîtres d'esclaves. Pour un maître d'esclaves, inoculer ses esclaves, c'était entièrement rationnel parce que ça augmentait le nombre de ses esclaves. Ça augmentait leur valeur commerciale, puisque comme ils étaient immunisés de la petite vérole, ils avaient une source de mort en moins. Et puis ça évitait de se confronter aux quarantaines qui étaient imposées dans les îles sucrières en cas d'épidémie de petite vérole qui se déclarait dans un bateau, par exemple. Donc il y a une population, si vous voulez, qui a été massivement inoculée au XVIIIe siècle, ce sont les esclaves. Mais chez pour les individus libres, massivement, ils ont refusé l'inoculation. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est que contrairement à ce que disent les propagandistes de l'inoculation, le risque de l'inoculation n'est pas simplement un risque individuel. C'est pas simplement le risque que l'inoculé porte à lui-même, mais c'est un risque, en fait, aux tierces personnes. Parce qu'en se faisant inoculer, on accroît la contagion, on devient soi-même contagieux, et donc on accroît le risque pour le public en général. Ce qui fait que dans les années 1760, les parlements, les polices interdisent l'inoculation des villes. L'échec du risque est aussi psychologique, dans le sens où les rares personnes qui vont se faire inoculer sont plutôt des jeunes aristocrates, des jeunes nobles, qui vont interpréter leur choix non pas comme un choix rationnel, celui de suivre le moindre risque, mais comme un choix héroïque. D'où, vous voyez, ce genre de gravure qu'on trouve dans les archives, où l'on voit une victoire ailée gravant une stèle en l'honneur des inoculés qui ont osé se faire inoculer. Donc l'inoculation est beaucoup plus interprétée dans le vocabulaire traditionnel de l'exploit aristocratique, de la bravoure, beaucoup plus que dans le discours, disons, du risque et de la rationalité. Et la dernière raison de l'échec du risque, c'est que pour les bourgeois, les aristocrates, il était beaucoup plus convaincant d'essayer de glaner des informations à partir de leur propre réseau de connaissances et d'essayer de comprendre quels étaient les symptômes de l'inoculation, quelles étaient les cicatrices, quelles étaient les douleurs. Et l'argument du risque était très peu convaincant parce que le risque était calculé par les inoculateurs eux-mêmes, donc des gens intéressés qui essayaient de vendre leur invention et vendre la pratique médicale. Et ce qu'ils voulaient, c'était beaucoup plus connaître les conséquences corporelles de l'inoculation. Alors pourquoi je suis rentré dans quelques détails, c'est pour vous faire comprendre la révolution que représente ce qui va se passer avec la vaccination. Alors la vaccination, c'est une technologie médicale qui est un peu semblable à l'inoculation, mais là l'idée c'est de passer par la vache plutôt que de s'injecter directement la variole humaine. C'est Edward Jenner, un médecin anglais de la fin du 8e siècle, qui en 1798 publie un traité qui explique qu'il existe une maladie des vaches, qu'il appelle la variole des vaches, qui immunise contre la petite vérole humaine. Et dans vaccin, le mot actuel de vaccin, vous entendez la racine latine vacca, la vache. Donc l'origine du mot vaccin vient de cette première vaccination historique contre la petite vérole. Alors, pour le gouvernement napoléonien en particulier, la vaccination paraît d'emblée un enjeu majeur. À travers la vaccination, on va pouvoir augmenter le nombre de la population, on va pouvoir augmenter sa santé, sa force, et donc c'est absolument crucial dans un contexte de guerre européenne permanente. Pour autant, Napoléon lui-même va refuser l'obligation vaccinale. Et en France, il n'y aura pas d'obligation vaccinale avant 1902. La stratégie que va adopter le gouvernement français va être d'instaurer, si vous voulez, de définir le vaccin, qui est un virus dont on ignore tout, une maladie dont on ignore tout, c'est une maladie nouvelle qui vient d'être découverte. On ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle peut. Et donc, en quelque sorte, les premiers vaccinateurs français vont profiter de cette ignorance pour définir le virus vaccin de telle manière que tout être censé doive se faire vacciner. Suivant disons les discours officiels de l'époque, la vaccination doit se généraliser non par l'obligation, mais par la douceur et la persuasion. On trouve ce mot douceur et persuasion en permanence dans les écrits officiels autour de la vaccination. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que cette douceur du pouvoir a eu pour contrepartie un investissement très fort du pouvoir dans le domaine médical, dans le domaine de la définition des êtres. Alors, les premiers vaccinateurs veulent que la vaccine soit philanthropique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent que la vaccine soit gratuite, qu'on puisse la faire de manière générale à n'importe qui, aux enfants en bas âge jusqu'aux vieillards. Et pour que ça soit possible, il faut que la vaccine soit parfaitement sûre dans toutes les circonstances possibles. Il faut pouvoir se passer de l'expertise médicale et du regard du médecin qui identifierait, disons, les personnes aptes à se faire vacciner. Alors le problème, c'est que la vaccination n'était absolument pas sûre au début du 19e siècle. La vaccination se faisait de bras à bras. C'est-à-dire, en fait, on implantait le vaccin, donc cette maladie des vaches, sur le bras d'un enfant qui produisait une pustule. Et ensuite, on récupérait le pus contenu dans cette pustule pour l'implanter sur d'autres enfants. Donc, vous voyez très bien le danger. Si un enfant avait une maladie transmissible, et c'était la syphilis en particulier qui était redoutée, le danger, c'était de transmettre cette maladie à l'ensemble de la population. Donc, il y avait ce problème du risque qui était tout à fait considérable. Le deuxième problème de la vaccination, c'était que les vaccinateurs, jusque dans les années 1930, refusent l'idée que la vaccination puisse avoir une durée limitée, puisse protéger seulement pour une période limitée. Donc, ils refusent la revaccination. Ce qui fait qu'il y a énormément d'enfants qui sont vaccinés et qui ont ensuite la variole. Alors, comment ont-ils fait contre ces deux problèmes? La première solution, là ça va devenir un petit peu technique, je m'en excuse, ça va être de définir la vaccine à travers le regard clinique. Ce que vous voyez là, c'est simplement un petit extrait de la description d'une pustule de vaccine. Ça veut dire qu'à partir des années 1800, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, on trouve dans les textes médicaux des descriptions de pustules, donc de ça hein, précisément, de cette chose qui semble assez triviale, on trouve des descriptions qui vont prendre 70-80 pages, qui vont décrire dans les moindres nuances, petits détails, l'évolution de la pustule. Pourquoi? Et pourquoi c'est important? Au cœur de cette transformation se trouve le regard clinique. Le regard clinique, qui a été étudié par Michel Foucault, fait quelque chose de très important, parce que à partir du moment, début du 19e siècle, où les médecins travaillent dans les hôpitaux, ils vont rematérialiser la maladie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au XVIIIe siècle, la maladie est conçue suivant un ensemble de, si vous voulez, d'essences et de signes. La maladie, c'est quelque chose qui circule dans le corps, qui s'exprime par différents signes, qui sont les symptômes, mais l'essence de la maladie est quelque chose d'invisible, qui peut s'exprimer, par exemple, suivant différents sièges. La maladie peut avoir différents sièges, donc évidemment avoir des symptômes très différents. Au début du 19e siècle, il y a une sorte d'aplatissement de l'essence de la maladie et des symptômes. Il n'y a plus cette distinction. La maladie, c'est simplement la manifestation physique, matérielle de la maladie. Il n'y a plus que des symptômes, si vous voulez. La maladie, c'est quelque chose d'entièrement visible, d'entièrement matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vaccinateurs, quand ils voient la pustule de la vaccine, ils ne voient pas simplement un signe de la vaccine, ils voient la vaccine elle-même. Là, ce que vous voyez là, ce n'est pas simplement une manifestation de la vaccine, c'est la vaccine. Il n'y a rien d'autre dans la vaccination que la pustule. Et ça, ça donne un argument majeur pour les vaccinateurs, parce que le problème des varioles après vaccine s'explique facilement. Si un enfant a eu la variole après la vaccination, ça veut dire qu'il n'a pas eu la vraie vaccine. Et la vraie vaccine, elle est définie par ça, par ces gravures médicales. Je voudrais juste signaler que ces gravures médicales, ça représente un tournant dans l'histoire de la médecine, parce que c'est la première fois qu'en médecine, on va représenter une maladie par l'image. Alors évidemment, le corps sain était représenté de manière depuis la Renaissance, hein, dans les atlas anatomiques. Mais l'idée de représenter une maladie par l'image, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Ça semble absurde pour les opposants à la vaccine. Ils disent qu'on ne peut pas représenter quelque chose de pathologique, une maladie, de la même façon que les botanistes représentent les fleurs, par exemple. Ça n'a pas de sens, parce qu'on est tous malades de manière différente, si vous voulez. La maladie peut avoir plusieurs sièges, etc. Les vaccinateurs arrivent à imposer cette nouvelle définition graphique des maladies et réalisent un coup de force dont on ne peut surestimer la portée, parce que la culture médicale actuelle, graphique, hein, repose finalement sur cette innovation. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que cette culture de la définition graphique de la maladie donne un pouvoir énorme aux vaccinateurs. parce que ça leur permet de définir la vraie vaccine. Donc la vraie vaccine, c'est ce qui suit exactement cette suite de phénomènes. Et rabattre toutes les vaccines différentes sur les fausses vaccines qui sont non préservatives. Et au fur et à mesure des cas de variole après vaccine, les vaccinateurs inventent de nouvelles maladies pustuleuses en disant, par exemple, votre enfant qui a été vacciné n'a pas vraiment eu la variole, mais a eu une varicelle conoïde ou bien globuleuse ou bien visiculeuse. Alors ça, c'est des nouvelles catégories complètement ad hoc qui apparaissent uniquement pour justifier la vaccination de ces échecs. Disons qu'au XVIIIe siècle, il y avait simplement la varicelle et la variole. Et on invente, enfin, à partir des années 1820-1830, il y a tout un tas de varicelles qui sont inventées pour décrire en fait des varioles après vaccine. Il y a un détail que j'aime bien, ça c'est la vraie cicatrice de la vraie vaccine. Parce que évidemment, le problème, c'est que quand un enfant vacciné arrive avec une variole, on n'a plus de traces de sa vaccine à part cette cicatrice. Ce qui fait que les médecins vont inventer la vraie cicatrice de la vraie vaccine, un rond parfait, parfaitement creusé avec des petites alvéoles, pour avoir eu une vraie vaccine. Pourquoi je m'appesantis un peu sur ces images? C'est que à travers ces images s'exerce véritablement le pouvoir médical au moment où, si vous voulez, le langage ne s'est pas encore posé sur les choses. Au moment où le langage se pose sur les choses, au moment où on nomme les maladies, où on nomme ce qui est une vraie vaccine, ce qui est une fausse vaccine, où on invente de nouvelles maladies, c'est là que s'exerce véritablement le pouvoir médical. Et c'est là aussi où vous voyez que cette stratégie de définir un être, de définir ce nouveau virus, de manière à le rendre parfait, c'est à travers ce genre de dispositif. Et vous voyez que c'est des choses assez petites, assez discrètes. Mais si la vaccine s'est généralisée, et la vaccine a été un succès, en particulier en France, dans les années 1800, il y a vraiment de grandes campagnes de vaccination qui marchent bien, c'est grâce à ce genre de petits dispositifs extrêmement discrets. L'autre dispositif important pour la vaccination, c'est la statistique. Les vaccinateurs, une fois encore, innovent de manière radicale. Ils vont entreprendre de recenser toutes les vaccines à l'échelle nationale. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait remarquable. La statistique sert à faire deux choses. Premièrement, à rendre public le risque variolique. Donc on a par exemple ce genre de tableaux qui sont punaisés aux portes des mairies. C'est l'état des individus morts de la petite vérole. Donc la liste des gens qui sont dans ce département qui sont morts de la petite vérole en 1810. Et avec cette affiche, dans les archives, il y a une note du préfet qui dit « c'est grâce à ce tableau qu'on va, en quelque sorte, jeter la honte, si vous voulez, sur les parents négligents qui n'auront pas fait vacciner leurs enfants ». Donc c'est une manière d'incriminer les gens, disons, négligents qui continuent à propager la variole. Donc la statistique sert à mettre en évidence le risque variolique. Et en même temps, de manière assez paradoxale, la statistique va servir à faire disparaître le risque. Pourquoi ? Parce qu'elle est organisée sous une forme de pyramide où les vaccinateurs de base doivent remplir des tableaux. Alors, un tableau, ça paraît basique, mais ça a un grand impact sur la manière dont les médecins vont raconter les maladies. Les médecins, au XVIIIe siècle, ils avaient des cahiers et ils écrivaient ce qu'ils voyaient dans leur pratique pour peut-être plus tard publier un article ou écrire un petit traité. Et là, on va leur imposer cette forme-là, un tableau. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de colonnes qui ont toutes à peu près la même largeur. Il y a une colonne qui s'appelle observation. Et c'est là que les médecins, au début, vont essayer de raconter tout ce qu'ils voient comme effets secondaires, comme maladies qui apparaissent après la vaccination. Mais très vite, donc, on voit que les premiers vaccinateurs essayent encore de raconter les vaccinations. Ils envoient au comité départemental de vaccine, qui se charge de collecter les tableaux, des tableaux quasiment entièrement vides, avec simplement des colonnes observations remplies de descriptions médicales, mais très vite, ils vont abandonner, en fait. Ils vont simplement se contenter de noter simplement le nombre de vaccinations qu'ils ont réussi à faire. D'autre part, la statistique vaccinale fonctionne sous une forme de pyramide, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire les vaccinateurs de base transmettent leur tableau de vaccine à l'échelon supérieur, à un comité départemental, qui transmet ensuite à un comité national. Et à chaque échelon, en fait, les mauvaises nouvelles vont être effacées, parce que le but, c'est de produire du chiffre, de savoir le nombre de vaccinés, ce qui fait que toutes les narrations médicales d'accidents s'effacent peu à peu. D'autre part, comme le comité central de vaccination qui a été mis en place par Napoléon et par son ministre de l'Intérieur Chaptal, a dit que la vaccine était sans danger, bah quand vous êtes un médecin de base ou un officier de santé de base qui rencontre des accidents vaccinaux, vous avez peur que ça soit mis sur votre dos, sur le fait que vous avez mal vacciné, vous avez choisi un mauvais pus, etc. Donc on n'a pas intérêt forcément à raconter les accidents qu'on rencontre dans sa pratique. Donc vous voyez qu'on a un système en fait, d'information statistique qui a le résultat paradoxal de faire disparaître le risque vaccinal. Alors, le risque vaccinal, comme vous voyez, était effectivement très présent. Ça, c'est un exemple de circulation d'informations déficientes. Le vaccinateur de base, en haut, il écrit la chose suivante. Tous les enfants vaccinés pendant l'année 1806 n'ont eu que quelques petits ulcères et des dartres. Au niveau départemental, ça devient les opérations ont été généralement suivies d'un succès complet. Et puis le rapport central du comité de vaccine, c'est les seules déviations, etc. Enfin, bref, il n'y a quasiment aucun risque et il n'y a absolument aucun motif plausible pour refuser de recourir à la vaccination. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que sont ces petits ulcères et ces dartres dans les musées de cire médicale de l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est en fait des affections dermatologiques très graves qui, sur des nourrissons, des nouveau-nés au 19e siècle, vous pouvez imaginer, avaient des conséquences assez graves et ça entraînait la mort bien souvent. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1. Et on vient d'entendre Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, qui présentait son ouvrage « L'apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique », un livre paru aux éditions du Seuil en 2012. C'était donc la première partie de cette conférence. Dans la deuxième, Jean-Baptiste Fressoz nous parlera des changements dans la gestion de la pollution sous l'effet du développement de l'industrie chimique et aussi de la création et du rôle des normes techniques de sécurité dans les installations industrielles au 19e siècle. Sur ce, en attendant cette deuxième partie, je vous dis à la prochaine. Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.